L'été 2007, il s'en était pris à un homme d'une trentaine d'années à la chapelle Saint-Mémin sur les bords de Loire, un endroit connu et fréquenté des homosexuels. Ils ont rejeté hier le caractère homophobe de cette agression. La procureure de la République a réclamé contre eux une peine d'un an de prison avec sursis. Patricia Pourrez. Ce soir du 5 août 2007, ils sont une dizaine de jeunes à arpenter les bords de Loire à la recherche, dit l'un des prévenus, de celui qui aurait pu voler sa voiture une semaine auparavant. Et là, ils tombent sur un groupe de trois homosexuels en train de discuter sur un banc. Sans raison, sans prévenir, ces jeunes s'en prennent alors à l'un des trois hommes et le frappent durant plusieurs minutes. La victime, qui dit encore aujourd'hui qu'elle a cru mourir ce soir-là, s'en sortira avec de nombreuses ecchymoses et 10 jours d'ITT. À la barre, les deux prévenus, les deux seuls à avoir réellement donné des coups, reconnaissent les actes de violence, mais pas leur caractère homophobe. Pourtant, dans les déclarations à la police, le reste de la bande a, elle, été très clair sur la question. Maître Palladino, l'avocate de la victime. Il s'avère que tous les autres disent bien qu'on y est allé, pour reprendre l'expression d'un, pour casser du PD. Ça s'arrête à ça, c'est très terre à terre, c'est très agressif. Mais il est évident, ils avaient déjà fait des expéditions. On ne sait pas quoi, comment, hein, c'est pas le débat, mais ils y sont allés, ils connaissaient parfaitement l'endroit, et ils étaient déjà venus, et pour certains, ils disent taquiner, embêter, restent très pudiques sur la question, mais grosso modo, ils connaissaient l'endroit, et ils y sont allés. Face au tribunal, les deux prévenus ont beau jouer la carte des regrets, ils n'arrivent guère à convaincre. Encore moins quand l'un explique qu'il ne peut pas être homophobe parce qu'il a un cousin homosexuel et l'autre parce qu'il est noir. Alors, s'agit-il seulement, comme a tenté de l'expliquer leur avocat, de la bêtise de jeunes un peu désœuvrés? Ce sera maintenant au tribunal de faire la part des choses. Et jugement du tribunal correctionnel. Le 1er décembre, dans cette affaire, un troisième garçon, un mineur, a été condamné au mois de mai à 4 mois de prison avec sursis. Dans le journal de 8h aussi, eh bien, vous entendrez la réaction du GALG 45, le groupe d'action gay et lesbien venu défendre hier la victime.